Adolphe de Benjamin Constant. Alors, c'est un. D'abord, je connaissais à peine le nom de Benjamin Constant et je connaissais pas Adolphe, donc c'était une grande découverte. La raison pour laquelle je l'ai lu, c'est que j'ai pas eu à le lire. C'était l'une des les livres lus sur Télérama, le podcast de Télérama. Donc, une bénédiction pour moi, c'est vraiment fantastique. D'ailleurs, on est vite accro à la lecture d'un livre comme ça, hein. Et c'est pas très long, je sais plus combien d'épisodes il y avait, une douzaine, peut-être une quinzaine. Enfin, pas très long, ouais. Quelques heures de lecture quand même, mais ouais. Alors, je sais pas si c'est un gros livre d'ailleurs, faudrait que je me renseigne. Enfin voilà, donc c'est là que je l'ai lu. Pardon. Donc c'est un livre. Moi j'étais agréablement surpris parce que décidément on retrouve. Enfin moi j'ai retrouvé le plaisir que j'avais à lire des auteurs comme Stendhal ou Hugo. Alors je sais bien que c'est un peu vaste, mais pour dire que c'est l'influence 19e ou Flaubert. Hein. C'est vraiment très psychologique, très bien écrit, une très très belle langue. Et puis très psychologique, ouais, plus que c'est vrai, beaucoup plus qu'Hugo. Oui, ça m'a plutôt rappelé un petit peu l'éducation sentimentale. Mes souvenirs de Stendhal sont un peu vieux. C'est peut-être moins psychologique Stendhal, enfin assez proche quand même, hein. Mais disons que c'est les proportions en fait. C'est-à-dire que chez Benjamin Constant, en tout cas dans Adolphe, on a 95% du livre qui est uniquement le mental de l'homme, du héros. Ça, c'est fou. On voit complètement par ses yeux. C'est vraiment une écriture intimiste au sens du héros, du moins. C'est très. Moi, j'aime beaucoup parce que. Oh, pardon. Parce que c'est fait intelligemment. Enfin, j'ai l'impression, je me retrouve, enfin, presque trop. Disons le seul, mais bon, vraiment, c'est-à-dire qu'on est un peu loin d'une telle analyse, auto-analyse. C'est tellement bien analysé qu'on se dit que soi-même, on ne s'analyserait pas aussi bien dans la vie de tous les jours. Mais bon, faut voir si on est oisif ou quasi. Bon, c'est vrai que peut-être. Bon. En tout cas, oui, un très beau livre. Alors, ça se passe en Allemagne, un des royaumes allemands avant avant l'unification de toute l'Allemagne. Oh, vache. Bon, faut dire que je fais mon podcast allongé là, donc forcément. Bon. Alors, ça se passe en Allemagne. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il y a forcément des choses d'autres. C'est l'histoire d'un jeune homme intelligent, sensible, qui a un peu une douleur au monde. Il y a un rapport douloureux au monde, quoi, parce que la médiocrité l'énerve. Donc il a toujours des rapports un peu. Bon. Voilà, bon, il est dans la bonne société, tout ça, promis père riche famille, promis un grand avenir, etc. Et puis, bon, il s'emmerdait, il s'est dit, tiens, il voit un de ses amis qui tombe amoureux, tout ça. Alors il dit, tiens, il faudrait que je me trouve quelqu'un, moi, faire la cour à quelqu'un, bon. Mais au début, vraiment par calcul. Alors ça, c'est. Voilà. Alors il se trouve une femme. Alors la femme c'est quelqu'un déjà une femme plus vieille que lui qui est la maîtresse très officielle du baron, le baron de T. C'est comme ça à l'époque, on ne dit pas le nom. Alors ça, bon, bref. Donc il est beaucoup plus vieux que lui, le baron. Mais la femme est un peu plus vieille que lui, je sais pas, une dizaine d'années au grand maximum, hein, bon je pense. J'ai un peu oublié les âges. Donc il tombe amoureux d'elle, enfin non, il tombe amoureux d'elle, il lui fait la cour. Il lui fait la cour, il y arrive, machin, mais bon. Ce faisant, en fait, il tombe amoureux d'elle. On est exactement dans l'auto-conditionnement, quoi. À force de, ben voilà. Alors d'abord, il l'a pas choisi par hasard, c'est vrai que c'est une belle femme et qui a de l'esprit. Par contre, une grande pureté, elle est d'origine polonaise. Et c'est une femme qui souffre de sa condition parce qu'elle est très morale et être une maîtresse, bon, Et puis on est pas très bien vu dans le grand monde forcément dans cette situation-là. Alors bon, voilà. Voilà un peu sa situation. Intelligente, un peu naïve, grande hauteur morale, etc. Bon. Et puis une situation de maîtresse. Voilà. Alors le baron de T, il n'a pas de femme. Hein. Bon. Il a deux enfants avec elle d'ailleurs. Hein. Deux enfants. Et donc il la drague, il la drague. Il fait la cour plutôt. Hein, donc de toute façon assez à droite au début, puis à la fin, un peu lourdingue. Jusqu'à ce qu'elle cède. Et puis elle cède. Bon, bah on ne raconte pas hein, beaucoup de détails, c'est un peu dommage. Bon. J'aurais bien aimé la première nuit, quoi, ou je sais pas, le premier rapport, tout ça. M'aurait intéressé, moi, mais bon. Alors, donc il a une relation avec elle, ça dure, ça dure. Oh, il veut rompre finalement parce que il se rend compte que la passion est passée quoi et puis lui il veut continuer sa vie parce qu'il peut rien faire tant qu'il est avec une dame comme ça. En plus son père le presse de faire ça mais il n'a pas le courage de la laisser tomber et c'est là qu'on rentre dans les affres de la psychologie. C'est assez passionnant. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il tente de la laisser. Elle sent bien qu'elle est plus aimée, mais en même temps elle peut pas le laisser tomber. Enfin bon, on imagine bien. Parce qu'elle aime à fond, quoi. Elle l'aime énormément. Donc. Peut pas rompre. Chaque fois il se promet qu'il va rompre, puis il le fait pas. Enfin, en gros, c'est ça. Donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment très agréable à écouter, en tout cas. Et c'était très bien lu aussi. Hein. Je l'ai en réserve là. Bon, je vais le mettre sur un CD. Voilà. Alors, bon, je vais faire simple parce que c'est pas ça qui est difficile de raconter tout un roman psychologique comme ça, puis c'est pas ça l'important, mais il part en Pologne avec elle, elle devient riche à la mort de son père, etc. Bon, elle veut récupérer son héritage, alors il l'accompagne finalement. Bon, là, il y a toujours son père derrière qui essaye de tirer ficelle pour qu'il rompe avec elle. Et puis lui, il aimerait bien. Puis après, il peut plus. Puis il aimerait bien. Puis il peut plus. Enfin bon, c'est fou. Alors, on imagine bien qu'à ce petit jeu-là, il a fait souffrir énormément. Jusqu'à ce qu'elle lui dise, ben, vous m'avez fait tellement mal, je vais rompre. Non, mais je ne vous ferai plus mal longtemps. Je vous embêterai plus longtemps, voilà. Et je vais bientôt mourir, quoi. Elle sous-entend. Et effectivement, elle tombe malade et puis elle se meurt. Et puis lui, voilà. On sent qu'il va enfin démarrer dans la vie. Il aura 25 ans, quoi. Il a perdu, je sais pas combien de temps d'ailleurs, de l'ordre de quelques années, quoi. Il va démarrer. Enfin, c'est ce qu'il souhaitait depuis longtemps, mais avec un boulet énorme, un boulet au cœur. Il a été. Il a été l'artisan de de sa mort, quoi. Une mort très très prématurée, bien sûr, et de son malheur, le malheur du baron. Ben, il a fait deux orphelins de mère, en tout cas. Tout ça pour, au départ, voilà, une petite lubie, de se dire, tiens, on va séduire une femme. Voilà. Donc c'est assez terrible quand même. Hein. On aurait envie à la fin du livre que l'histoire se continue un peu pour qu'on puisse avoir une vision heureuse au moins ce qui devient, quoi. Se dire, ben voilà, là, il va réussir ça et ça. Ou alors, qu'il ne réussisse pas. Mais là, c'est vrai que ça aurait été encore plus terrible. Donc, c'est peut-être pas la peine de s'appesantir. En tout cas, vraiment, une belle psychologie. Faudrait que j'étudie s'il y a d'autres livres hein, de Benjamin Constant, d'autres classiques. Parce que ça vaut. Ça vaut assurément le détour, quoi. Parce que c'est étonnant qu'il soit pas plus connu. Une telle finesse d'analyse des sentiments, c'est troublant. Est-ce que ce serait comme la musique, la littérature? Bon, la vie, il a quand même passé des siècles, là. Ou du moins au moins un siècle, ou un siècle et demi. Donc on peut pas dire qu'il n'ait pas été reconnu. Mais le fait qu'il soit si peu connu. C'est troublant, on se dit, c'est comme la musique, c'est-à-dire il y a ceux qui, un grand talent, on pourrait passer à côté. Et voilà. Donc, bon. Et nous, on connaît quelques-uns. Voilà. Mais pour ça, il faut vraiment lire beaucoup. Bon, enfin voilà. Adolphe de Benjamin Constant, en tout cas, à écouter, c'est un vrai régal.